Carolomag numéro 296, mars 2026. Au sommaire de ce numéro, 2, édito. 3, à la une, élections municipales aux urnes citoyens. 4, actualité, l'accueil occasionnel en crèche, inscription scolaire et périscolaire, budget participatif 2026, déposez vos idées, les femmes en pleine lumière en mars, la ville soutient ses associations, dératisation, tous mobilisés pour plus de propreté, à la découverte de celles et ceux qui veillent sur notre cadre de vie, permis de louer, anticipez vos démarches, un nouveau chapitre rue Bourbon, la ronde couture, un nouveau souffle pour les équipements sportifs, CCAS, porter un autre regard sur les quartiers. 5. Rendez-vous. 28e printemps des poètes. Les MOF, l'esprit du off toute l'année. Journée mondiale de la marionnette. Expo solidaire. La ville au rythme des tout-petits. Braderie de printemps. Tous solidaires avec les restos du cœur. Printemps rime avec étudiants. La jeunesse réinvente le monde sur scène. Les enfants du cinéma, un festival pour voyager et rêver. 6. Agenda, les dates à retenir. 7. Sport, les flammes, un spectacle permanent à la Guinguette Arena. Carolympiade 2026. Trail Natura Carolo sur les traces du centaure. 51e édition du Circuit des Ardennes. Agenda sportif. 8. Histoire. Claude Demois, fondatrice du couvent du Saint-Sépulcre. 9. Expression politique, la libre expression des groupes politiques. 2. Édito, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Prenez votre destin en main. Les dimanches 15 et 22 mars, tous les citoyens inscrits sur les listes électorales sont appelés à se déplacer dans un bureau de vote pour élire l'équipe qui dirigera leur commune durant les 6 prochaines années. Dans notre ville, cela représente près de 26 000 personnes. 26 000 hommes et femmes de plus de 18 ans qui vont donc avoir la possibilité de s'exprimer, bulletin de vote en main, afin de désigner les élus qui les représenteront jusqu'au printemps 2032. Un véritable luxe dans un monde où l'absolutisme semble de nouveau avoir le vent en poupe. Je vous rappelle en passant que ces élections municipales vont également vous permettre de désigner les membres carolomassériens du prochain conseil communautaire d'Ardennes Métropole. Or, si l'on ajoute les domaines d'intervention de l'agglo à ceux de la ville, on obtient une liste impressionnante de dossiers qui touchent tous à notre vie quotidienne. Stationnement, mobilités et transports publics, politique culturelle, soutien aux associations, aide sociale, collecte et traitement des déchets, distribution de l'eau potable, tourisme, développement économique, urbanisme, affaires scolaires, enseignement supérieur, habitat. Et je ne parle pas de deux domaines dans lesquels les collectivités n'ont d'autre choix que d'intervenir, compte tenu du désengagement progressif de l'État, la santé et la sécurité. Bref, ces élections constituent l'occasion idéale de faire entendre votre voix. Vous souhaitez plus de ceci et moins de cela? Dites-le en glissant un bulletin dans l'urne. Chacune des listes en présence a fait connaître ses choix, ses priorités, son projet pour Charleville-Mézières. C'est désormais vous qui avez la parole. Alors, les 15 et 22 mars, faites-vous entendre et exprimez-vous. 3 à la une. Municipal. Aux urnes, citoyens. Les dimanches 15 et 22 mars prochains, les électeurs seront appelés à désigner leur nouvelle équipe municipale. Le Carolomag vous explique le déroulement et l'enjeu de ces élections municipales, essentielles pour la vie locale. L'élection municipale se distingue par la proximité des élus avec les citoyens. Selon une enquête Ipsos réalisée en juin 2025, auprès de 6034 électeurs, 69% des Français déclarent avoir confiance en leur maire, contre 53% pour le conseiller départemental, 50% pour le conseiller régional, 42% pour le député et 37% pour le sénateur. Ce lien de confiance s'explique en grande partie par l'attachement des Français à leur commune. Près de 7 sur 10 se déclarent attachés à leur lieu de vie. À Charleville-Mézières, comme dans l'ensemble du territoire français, ces élections permettront de désigner l'équipe municipale qui gouvernera la commune pour les 6 prochaines années. Malgré les regroupements de communes intervenus ces dernières décennies, la France en compte encore près de 35 000, impliquant plus de 900 000 candidats aux élections municipales. À l'issue du scrutin, environ 460 000 élus siégeront au sein des conseils municipaux. Ces chiffres témoignent de l'engagement de femmes et d'hommes prêts à consacrer leur temps et leur énergie à la vie locale. L'objectif principal de ces élections est de permettre aux citoyens de choisir l'équipe municipale qui exercera le pouvoir local. Le maire est ensuite élu par les conseillers municipaux lors du premier conseil de la nouvelle mandature. Le nombre de sièges au conseil municipal varie selon la taille de la commune. Pour Charleville-Mézières, il est fixé à 43. Les listes doivent respecter la parité entre femmes et hommes. La liste arrivée en tête bénéficie de la moitié des sièges, l'autre moitié étant répartie proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. Certains élus municipaux siégeront également au Conseil communautaire d'Ardennes Métropole. Cette instance prend en charge des compétences importantes pour la vie quotidienne, telles que la distribution d'eau potable, le traitement des eaux usées, le transport en commun ou encore la collecte et le traitement des déchets. La campagne électorale a officiellement débuté le 2 mars 2026. La date limite pour s'inscrire sur les listes électorales était le 6 février 2026 et les candidatures ont pu être déposées jusqu'au 26 février. Aux élections municipales, il peut n'y avoir qu'un seul tour si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de 50% dès le premier tour, ce qui la fait élire immédiatement sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Les deux tours des élections se tiendront les 15 et 22 mars. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour voter, il faut être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne et être inscrit sur les listes électorales de la commune. À Charleville-Mézières, près de 26 000 électeurs sont concernés. Il est possible de voter par procuration si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour de l'élection. La personne désignée doit être inscrite sur les listes électorales locales. La procédure se fait simplement via le site maprocuration.gouv.fr. Attention, le jour du vote, l'électeur chargé de voter à votre place doit se présenter dans votre bureau de vote. Les électeurs peuvent exprimer leur désaccord en votant blanc, en déposant une enveloppe vide ou un bulletin blanc, ou nul. Il s'agit d'un bulletin déchiré ou annoté. Ces votes ne sont pas encore comptabilisés comme suffrage exprimé. Le droit de vote est universel et doit être accessible aux personnes en situation de handicap. À Charleville-Mézières, chaque bureau de vote propose des places de stationnement adaptées pour les électeurs à mobilité réduite, des étiquettes en braille pour les malvoyants, un accès aux isoloirs et aux urnes pouvant être utilisés depuis un fauteuil, la possibilité pour l'électeur d'être accompagné dans l'isoloir par une personne de confiance. Le bureau de vote est le lieu d'exercice du droit de vote. Son organisation et son fonctionnement sont régis par le code électoral. L'assesseur veille au bon déroulement des opérations électorales en vérifiant l'identité des électeurs et électrices à la table de vote et en assurant la tenue des listes d'émargement. Le scrutateur, quant à lui, prend part au dépouillement en procédant à l'ouverture des enveloppes et au comptage des bulletins contenus dans les urnes. Vous souhaitez participer à l'organisation des élections? La ville de Charleville-Mézières lance un appel à bénévoles inscrits sur les listes électorales pour devenir assesseurs ou scrutateurs dans les bureaux de vote. Pour plus d'informations, contactez le service citoyenneté par téléphone au 03 68 89 04 80 ou par mail à l'adresse élections au pluriel 2026@mairie-charleville-mézières.fr. Voici un petit rappel des différentes étapes du vote. Je me rends à mon bureau de vote avec ma pièce d'identité, ma carte d'électeur. Le personnel vérifie si je suis bien inscrit ou inscrite dans ce bureau de vote. Je prends au moins 2 bulletins et une enveloppe. Je m'isole ensuite, soit seul, soit accompagné. Je peux me faire aider si je suis en situation de handicap. Je mets un seul bulletin dans l'enveloppe, ni annoté ni déchiré. Je retourne près de la table de vote où je présente ma pièce d'identité, ma carte d'électeur, qui est recommandée mais non obligatoire pour voter, ainsi que mon enveloppe. Je glisse ensuite mon bulletin dans l'urne où je me fais aider si je suis en situation de handicap. Et enfin, je signe le registre ou mon accompagnateur le signe pour moi. 4. Actualité. Petite enfance. Vous avez dit occasionnel ? Le savez-vous ? À Charleville-Mézières, toutes les crèches proposent un accueil dit occasionnel. De quoi permettre aux parents d'avoir un peu de temps pour eux et aux enfants d'apprendre à vivre ensemble avant l'entrée à l'école. Ce mode de garde, ponctuel et flexible, vient compléter l'offre dite « régulière » proposée par nos 6 structures municipales de la petite enfance. Gonzague, dans le centre-ville, Ferroux-les-Mésanges à la Ronde Couture, Arrare à la Houillère, Maison de la petite enfance à Manchester et Simone Veil à Mézières. Inscrit dans le cadre du service public de la petite enfance, ce dispositif participe à l'objectif d'un accès équitable et de qualité aux modes d'accueil sur le territoire. Concrètement, après une période de familiarisation avec les parents, l'enfant de 0 à 3 ans pourra être accueilli, soit pour 2 heures ou plus, uniquement sur le multi-accueil des Mésanges, soit en demi-journée ou en journée complète sur l'ensemble des structures, que ce soit pour des rendez-vous, du répit parental ou par envie de sociabilisation et d'éveil de l'enfant. Si ce mode de garde a l'avantage de la flexibilité, il nécessite toutefois une inscription qui se prend auprès du guichet unique de la petite enfance situé au premier étage de l'hôtel de ville de Mézières. Les familles pourront y obtenir des informations, être accompagnées dans leur démarche et être orientées vers les solutions adaptées à leur situation. Plus d'informations au 03 24 32 42 89. Inscription scolaire et périscolaire. La campagne d'inscription scolaire et périscolaire pour la rentrée 2026 se déroulera jusqu'au vendredi 29 mai. Pour une inscription scolaire, téléchargez le dossier sur charleville-mézières.fr et renvoyez-le à inscriptionscolaire@mairie-charleville-mézières.fr ou rendez-vous au service enseignement en appelant au 03 24 32 42 83. Pour une inscription périscolaire, cantine, garderie et accueil du mercredi, téléchargez le dossier sur charleville-mézières.fr et renvoyez-le à perisco@mairie-charleville-mézières.fr. L'inscription peut également se prendre via l'espace famille, espace-citoyen.net/cmz ou au service accueil famille du périscolaire à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Démocratie participative. Budget participatif 2026, déposez vos idées. Comme chaque année, le budget participatif permet de réaliser des projets proposés par les habitants pour améliorer leur quartier ou leur cadre de vie. La campagne d'appel à projets se poursuit jusqu'au lundi 30 mars. Pour proposer votre projet, vous pouvez faire parvenir votre idée par courriel en l'envoyant à l'adresse démocratie.participative@mairie-charleville-mézières.fr. Des questionnaires et des urnes sont également mis en place par le service démocratie participative dans différents accueils publics comme la mairie, place du théâtre, l'hôtel de ville, les centres sociaux. Vous pouvez également déposer votre idée sur le site de la ville charleville-mézières.fr, rubrique démarche en ligne. Journée internationale des droits des femmes. Les femmes en pleine lumière en mars. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la ville se mobilise. Plus qu'une simple date sur le calendrier, le mois de mars s'affirme comme un temps fort de sensibilisation aux droits des femmes avec de multiples rendez-vous. Le théâtre de Charleville-Mézières ouvre le bal avec son spectacle « Bête noire et petite reine » le mardi 3 mars à 20h. Il sera suivi d'un second temps fort, proposé par le service des sports de la ville, Femmes en Lumière, qui mettra en avant la place des femmes dans le sport, le samedi 7 mars, dans la salle du Bois Crancé, de 13h à 18h. Le combat pour l'égalité continue, en passant par la parole, l'histoire et la transmission des savoirs. Rendez-vous au musée de l'Ardenne afin de découvrir les différentes représentations des figures féminines dans l'art, le dimanche 8 mars à 15h. Enfin, comme chaque année, retrouvez nos habituels partenaires comme la Maison de la Culture et des Loisirs Mabohème, la Pépinière d'Entreprise, la Médiathèque Voyelle et bien d'autres. Découvrez également quelques nouveautés, notamment avec le collectif Nous Toutes Ardennes, qui propose une marche pacifiste au départ de la place de l'Hôtel de Ville à 14h et une conférence le dimanche 8 mars. Sisters in Dub, marché créatif, friperie, food and sound system. Nouveau, cette année, le forum, situé au numéro 18 de la rue Jean Jaurès, sera le lieu à ne pas manquer. Il met lui aussi à l'honneur les femmes pour un événement exceptionnel. La scène accueillera en exclusivité une programmation reggae dub uniquement féminine avec Zofa Sound System, Mela Dub et Nessia Lyonnaise, de 15h à 20h30 le dimanche 8 mars. Avant leur prestation, retrouvez leurs partenaires de midi à 17h30 dans le bar et le jardin du forum. Au programme, des standards, de la friperie, des boissons et de la petite restauration. Avec la participation de Farid Prod, Aurélie Bonamy, l'atelier Nota Bene, Colline et Valentin, Elikia Luz, l'association des supermamans et les locataires de la planète Terre. Retrouvez le programme sur charleville-mézières.fr. Vie associative. La ville soutient ses associations. Le 12 février, le conseil municipal a voté les subventions destinées aux associations. Au total, ce sont 2 millions d'euros qui seront versés pour faire vivre le tissu associatif carolo-massérien. En 2026, la ville renouvelle son soutien aux associations carolo. Le montant des subventions votées lors du conseil municipal s'élève ainsi à 2 millions d'euros. Ces subventions sont attribuées individuellement en fonction de projets qui contribuent à dynamiser le territoire et à profiter aux habitants. Elles se répartissent dans des domaines variés tels que le sport, la culture, l'action sociale, la solidarité ou encore les centres sociaux. Ce soutien financier vient compléter l'aide matérielle apportée aux associations d'un montant de 2,6 millions d'euros. Mise à disposition de chalets, de barnums, de tables ou encore intervention d'agents municipaux, c'est tout un ensemble d'aides techniques, humaines et logistiques que la ville met à disposition des associations. À cela s'ajoute l'ouverture d'un nouveau lieu désormais dédié aux associations, à la Bosse des Thions, avec la reconversion de l'ancien lycée Simone Veil. Ce nouveau lieu dédié aux associations et à la jeunesse accueille des associations carolo-massériennes qui y trouvent un lieu de travail adapté, fonctionnel et mutualisé. On y trouve à la fois des espaces privatifs et des espaces partagés, tels que des salles de réunion. L'objectif ? Offrir de meilleures conditions d'accueil aux acteurs associatifs tout en favorisant les coopérations et les projets communs. Cadre de vie, tous mobilisés pour plus de propreté. Face aux problèmes de salubrité engendrés par la présence de rats, la ville se mobilise pour préserver la qualité de vie de ses habitants. Afin de lutter efficacement contre leur prolifération, la commune met en place deux campagnes de dératisation chaque année. L'une au printemps, l'autre à l'automne. Ces interventions, confiées à des professionnels, permettent de limiter durablement la population de rongeurs et de sécuriser l'espace public. Quelques gestes clés. L'efficacité de ces campagnes repose sur l'implication de chacun. Il est essentiel d'adopter les bons gestes au quotidien. Ne pas laisser de nourriture en extérieur pour les animaux, entretenir les espaces extérieurs, bien gérer ses déchets, respecter les consignes d'utilisation des composteurs. Pour plus d'infos, contactez Valodéa au 03 24 55 5206. Il est important de rappeler que la présence des rats est bien souvent liée à des comportements humains inadaptés. En agissant collectivement et de manière responsable, chacun peut contribuer à limiter leur développement. Merci à tous de nous aider à œuvrer en faveur d'une ville plus belle, plus propre et plus saine. Pour avoir plus d'informations, contactez le 03 24 32 40 96. Quelques chiffres. Un couple de rats, c'est 3 à 6 portées par an, avec 6 à 12 petits par portée. La maturité sexuelle est à 2 mois. Au fur et à mesure, les nouvelles générations se reproduisent à leur tour. Ils auront plus de 5000 descendants par an. Propreté. À la découverte de celles et ceux qui veillent sur notre cadre de vie. Le mercredi 4 mars, la ville organise une journée de la propreté urbaine, un événement ouvert à tous de 10h à 17h sur le parking Voltaire. Une journée conviviale et pédagogique pensée pour les familles afin de mieux comprendre les métiers, les missions et les équipements qui participent chaque jour à la propreté et à la qualité de notre environnement urbain. Souvent discrets mais indispensables, les agents de la propreté, de la collecte et de l'environnement seront à l'honneur tout au long de cette journée. À travers des démonstrations, des échanges et des animations ludiques, le public pourra découvrir les différentes facettes de ces métiers, les contraintes du terrain, mais aussi l'engagement quotidien de ces professionnels au service des habitants. Afin de garantir la continuité du service public, les services municipaux resteront pleinement opérationnels. Des systèmes de roulement seront mis en place pour permettre aux agents de participer à l'événement sans interrompre les missions essentielles. Un programme riche, ludique et pédagogique. De nombreux partenaires seront présents pour proposer des animations de sensibilisation aux bons gestes de tri et à la réduction des déchets. Découverte d'un camion de tri et de ses équipements, jeux de tri mobile et poubelles pédagogiques pour apprendre en s'amusant, jeux de caractérisation des déchets et parcours du bon trieur, pêche aux déchets, stand de sensibilisation au compostage et lombricompostage avec possibilité de réservation de composteur, présentation d'une benne de déchetterie ou d'un camion amplirole accompagné d'animation, espace sécurisé de démonstration des véhicules municipaux, stand pédagogique sur la collecte sélective, présence de la brigade de l'environnement pour informer sur la prévention et la lutte contre les incivilités, et visite de la déchetterie municipale toutes les demi-heures. Une journée pour comprendre et agir. Au-delà de la découverte des métiers et du matériel, cette journée de la propreté urbaine vise à renforcer le sens civique, encourager les bons comportements et rappeler que la propreté de la ville est l'affaire de tous. Un moment d'échange, de sensibilisation et de reconnaissance pour mieux comprendre les enjeux environnementaux et le rôle essentiel de tous les acteurs de la propreté urbaine. Rendez-vous le mercredi 4 mars, de 10h à 17h, parking Voltaire, pour une journée utile et pédagogique. Habitat. Anticipez vos démarches. À un mois de l'entrée en vigueur du dispositif, la ville donne la possibilité aux bailleurs d'anticiper leur demande de permis de louer dès le 17 mars. Le 17 mars 2026 marque une étape importante dans la mise en œuvre du permis de louer à Charleville-Mézières. À compter de cette date, les propriétaires bailleurs concernés pourront déposer leur demande d'autorisation préalable à la mise en location de leur logement. Ce dispositif, qui entrera officiellement en vigueur le 17 avril 2026, s'applique uniquement lors d'une nouvelle mise en location ou d'un changement de locataire et seulement dans certains secteurs ciblés de la ville. L'ouverture anticipée des demandes permet aux bailleurs de prévoir leurs démarches et de louer en toute conformité. La procédure repose sur le dépôt d'un dossier comprenant le formulaire dédié et les diagnostics techniques obligatoires. Une visite du logement est ensuite organisée par les services municipaux afin de vérifier les conditions de sécurité, de salubrité et de décence. Pour les logements conformes, l'autorisation est délivrée simplement et rapidement. Après cette ouverture des demandes, la ville réaffirme sa volonté d'accompagner les propriétaires, de sécuriser les locations et de lutter efficacement contre l'habitat indigne, tout en améliorant durablement la qualité du parc locatif. Plus d'informations sur charleville-mézières.fr/permis de louer. Travaux. Rue Bourbon, un nouveau chapitre s'ouvre au numéro 19. Bonne nouvelle pour la rue Bourbon. Lors du conseil municipal du 12 février dernier, la ville a voté la vente à Espace Habitat de l'immeuble effondré au numéro 19 de la rue pour la construction de 3 logements. C'est une information qui va ravir les habitants et les usagers de la rue Bourbon. Le trou laissé par l'effondrement du numéro 19 de la rue va être remplacé par de nouveaux logements. Une bonne nouvelle pour les commerçants de cette rue fort fréquentée, car l'effondrement survenu en novembre 2018, outre la dent creuse, s'était également soldé par la mise en place d'une imposante structure métallique destinée à maintenir l'immeuble voisin. Une reconstruction tournée vers l'avenir. Soucieuse d'accompagner ce renouveau, la ville a racheté en 2025, pour 1 euro symbolique, le bâtiment sinistré auprès des copropriétaires afin de se tourner vers les bailleurs sociaux et y engager un projet utile et durable. C'est à Espace Habitat qu'a été confié ce projet, qui portera donc sur la construction de 3 logements sur cet espace de 152 mètres carrés. Construction qui devrait intervenir après des travaux de curetage, de désamiantage, de démolition de la partie centrale, mais également le comblement de la cave pour permettre la construction et évidemment le démontage des renforts métalliques maintenant l'immeuble voisin. Au-delà de l'aspect architectural, cette opération participe pleinement à la revitalisation du centre-ville en faveur d'un cadre de vie de qualité, conciliant habitat et vitalité commerciale. Aménagement. La Ronde Couture, un nouveau souffle pour les équipements sportifs. Véritable projet structurant pour la Ronde Couture, la réhabilitation du plateau sportif engagé en 2023 et 2026 transforme durablement le cadre de vie et renforce l'attractivité du quartier. L'opération concerne la réhabilitation complète du COSEC des Mésanges, la modernisation du stade Roger Salengros et la création de nouveaux espaces ludiques et sportifs autour du terrain synthétique Jablis. Ce dernier fera également l'objet de travaux prévus au printemps et sera opérationnel pour le mois d'août prochain. Tous les aménagements respectent les normes d'accessibilité et intègrent le déploiement de la vidéoprotection. La première étape a concerné la rénovation de la salle d'évolution du COSEC. Nouveau sol sportif, éclairage LED, création d'un local de stockage, remise en peinture et acquisition de nouveaux agrès. La salle Gabriel Jablis a également bénéficié d'améliorations, remplacement des baies et protection des façades. Des équipements modernisés et plus durables. Les travaux du COSEC se sont achevés mi-février avec la rénovation complète énergétique, l'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement de la toiture et des menuiseries, la mise en accessibilité, l'amélioration de la ventilation et le raccordement au réseau de chaleur urbain, l'installation de panneaux photovoltaïques, le réaménagement des espaces intérieurs, avec notamment l'agrandissement de la salle de gymnastique. La réouverture est prévue dans le courant du mois de mars 2026. Au stade Roger Salengros, un terrain synthétique homologué niveau régional et national 3, une piste d'athlétisme rénovée, des vestiaires modernisés et une tribune réhabilitée offrent désormais des conditions d'accueil optimales. Les bâtiments annexes accueillent un clubhouse et des espaces fonctionnels adaptés aux besoins des clubs et des scolaires. Parallèlement, de nouveaux équipements enrichissent l'offre sportive. Un terrain de football 5x5, un terrain de basket 3x3, une aire de jeu pour enfants, des espaces de détente, un espace de street workout prochainement. Le projet en chiffres. Labellisée Ville active et sportive, 3 lauriers en 2024, Charleville-Mézières compte près de 9000 licenciés répartis dans 120 clubs. À la Ronde Couture, plus de 1000 pratiquants hebdomadaires, scolaires, associations et habitants bénéficieront de ces infrastructures modernisées. Représentant un investissement global de plus de 10 millions d'euros TTC, financé à 68% par l'État, la région Grand Est, le département, l'Europe et les partenaires sportifs. Ce vaste programme constitue un engagement fort pour le sport, la jeunesse et la qualité de vie dans le quartier. CCAS. Portez un autre regard sur les quartiers. Découvrez Manchester, la ronde couture et la houillère sous un angle nouveau à travers l'exposition « Quartier » installée sur le mur de l'esplanade Roger Mas. Photographe et plasticien rémois, Hugo Petit a proposé au service Action culturelle de la ville et au pôle senior du Centre communal d'action sociale un projet sensible et participatif, porté un regard inédit sur Charleville-Mézières et plus particulièrement sur ses quartiers. L'ambition ? Dresser un portrait singulier du territoire à travers celles et ceux qui le connaissent le mieux et l'habitent depuis longtemps. Pour mener ce travail, l'artiste a imaginé des ateliers mêlant photographie et écriture, en affirmant dès le départ sa volonté de travailler avec un public senior. Porteurs d'une mémoire vive, parfois nostalgique, mais toujours précieuse, les aînés ont ainsi été invités à partager leur histoire intime de la ville. Ce projet a naturellement associé le pôle senior du CCAS, heureux de faire participer les aînés à une démarche artistique valorisant leurs souvenirs et leurs regards. Entre mai et août 2025, 5 adhérents du club senior de la Ronde Couture et 7 membres du club senior de la Houillère ont guidé Hugo Petit au cœur et aux abords de leur quartier. Ensemble, ils ont parcouru rues et jardins, longer des façades familières, évoquer des monuments discrets ou emblématiques. À chaque étape, les souvenirs affluaient. Anecdotes personnelles, émotions, récits du quotidien et parfois même quelques secrets enfouis. Chaque photographie issue de ces déambulations est accompagnée d'un court texte restituant les paroles, les expressions et la sensibilité des participants. Au total, plus de 20 km ont été parcourus, autant de pas que de fragments de mémoire partagés. Les prises de vue réalisées dans le quartier de Manchester ont quant à elles été rendues possibles grâce à l'implication des habitants mobilisés sous l'impulsion du centre social du quartier, élargissant encore la dimension collective du projet. Présenté une première fois dans les vitrines de Charleville-Mézières lors de Nuit Blanche 2025, ce travail est exposé depuis janvier 2026 et jusqu'à la fin mars sur l'esplanade Roger Mas. Une invitation ouverte à toutes et à tous à redécouvrir leur territoire, enrichi par la mémoire et le regard de ses habitants. Ce projet s'inscrit dans la programmation de la Cité éducative Ronde Couture Manchester. Il est porté par le dispositif culturel Microfolie de la ville de Charleville-Mézières, en collaboration avec le CCAS de Charleville-Mézières et le Centre social Manchester. Pour en savoir plus, appelez le CCAS au 03 24 32 45 35. 5. Rendez-vous. Événement 28e Printemps des Poètes. Du 9 au 31 mars, Charleville-Mézières vous invite à célébrer la poésie. Cette 28e édition, placée sous le thème « La liberté, force vive déployée », trouve un écho tout particulier dans l'œuvre de Rimbaud, poète de l'émancipation, du refus des cadres et de la quête incessante d'un ailleurs. À cette occasion, le musée Arthur Rimbaud propose une programmation invitant chacun à redécouvrir la poésie sous toutes ses formes. Le fil rouge de ce temps fort poétique est l'exposition « Arthur Rimbaud entre lisible et visible ». Présentée à la Maison des Ailleurs, elle met en lumière la richesse du fonds de livres d'artistes consacrés à Rimbaud, témoignant de la fascination durable qu'exerce son œuvre sur les plasticiens. Des visites guidées et une conférence par Zoé Monti, la commissaire de l'exposition, vous permettront de découvrir l'histoire du livre illustré de 1920 à nos jours et les techniques, couleurs et formes de livres dont se sont emparés les artistes. D'autres rendez-vous proposent d'explorer les liens étroits entre poésie et art visuel par des approches créatives et sensibles. Tandis que Morgane Peters, restauratrice de livres et arts graphiques, vous convie à créer un livre d'artiste en forme de sachet de thé, Gaëlle Piton, sophrologue, vous invite à ralentir et éveiller vos sens pour porter un regard attentif sur les œuvres grâce à la slow visit. Parce que la poésie se partage aussi par la voix, la musique et la scène, cette programmation fait la part belle aux formes vivantes. Alors qu'une lecture en musique par le collectif Poésie et Chansons célèbre la liberté des mots et des rythmes, le cinéma s'invite au printemps des poètes avec la projection du film « Le garçon et le monde » d'Aléa Breu, à la puissance visuelle et poétique rare, suivi d'un temps d'échange avec un professionnel, le tout orchestré par la pellicule ensorcelée. La librairie Arch Libris, en collaboration avec les éditions Franco-Slovènes et compagnie, accueillera quant à elle le mini-salon de poésie réunissant éditeurs et auteurs pour des temps d'échange et de lecture publique dans une atmosphère conviviale. La poésie se déploie également dans la ville grâce à l'engagement des partenaires culturels. La médiathèque Voyelle présente l'exposition « Aux saisons » qui remplace l'œuvre « Une saison en enfer » dans son contexte historique. Le TCM vous convie à une immersion artistique et poétique avec Bat et Fado, performance hybride et flamboyante de danseurs, musiciens ou chanteurs qui tous battent le fado, et Rimbaud Cavalcade, une cavale poétique, drôle et déjantée sur les traces d'Arthur Rimbaud. Enfin, le dispositif Charleville Lecture propose Musette en poésie, animation associant lecture de poésie à voix haute et musique à destination des résidents de l'EHPAD La Grande Terre. À travers cette programmation, le musée Arthur Rimbaud souhaite faire vivre la poésie au plus près des habitants, en la faisant dialoguer avec d'autres disciplines artistiques et en proposant des formes variées de rencontres. Un printemps des poètes placé sous le signe de la liberté, à découvrir et à partager. Le programme est disponible dans les structures culturelles, les accueils mairies, également sur muséart.fr ou charleville-mézières.fr. Marionnette, les mofs, l'esprit du off toute l'année. Depuis 2024, les mofs, comprenez marionnettes du off au forum, font vibrer mensuellement le numéro 18 de la rue Jean Jaurès. Prochain rendez-vous le mercredi 18 mars pour 3 séances à 10, 14 et 16 heures avec le spectacle Trompette par la Compagnie du Rouge-Gorge. Pour les enfants à partir de 2 ans. Programmé un mercredi par mois, le rendez-vous ramène sur le devant de la scène les pépites professionnelles que vous avez adorées dans les rues ou les salles du off lors de la dernière grand-messe de la marionnette en septembre dernier. Ombre chinoise, théâtre d'objets ou marionnettes à fil, chaque séance est une immersion dans l'imaginaire. C'est l'occasion idéale de partager un moment complice en famille et de soutenir la création vivante. Certains artistes proposent même des ateliers pour prolonger l'expérience. Fidèles à l'esprit de partage du off, les mofs misent sur la solidarité. L'entrée fonctionne via une billetterie libre, vous donnez ce que vous pouvez. L'intégralité des recettes est reversée aux compagnies pour financer leurs futures créations. Un geste simple pour que la marionnette continue de faire battre le cœur de notre cité. Côté pratique, les réservations ouvrent 15 jours avant chaque séance. Plus d'informations sur la page du MOF à l'adresse charleville-mézières.fr ou encore par mail à l'adresse culture@mairie-charleville-mézières.fr ou par téléphone au 03 24 32 44 40. La Journée mondiale de la marionnette 2026. Du 18 au 26 mars, Charleville-Mézières célèbre la Journée mondiale de la marionnette avec l'Union internationale de la marionnette. L'UNIMA, organisation internationale partenaire de l'UNESCO, présente dans 90 pays, organise cette semaine de festivités dans de nombreux lieux de la ville et sur le territoire ardennais autour du 21 mars. Le point d'orgue de l'événement sera la rencontre avec le maître marionnettiste malien Yaya Koulibaly, gardien d'une collection de 25 000 marionnettes et ambassadeur de la tradition Bamanane. Démonstrations, conférences et projections permettront de découvrir cet art millénaire africain. Plus d'informations et le programme disponible sur unimag.org. Expo solidaire, le Lions Club Charleville-Rimbaud et l'Association des amateurs de voitures anciennes des Ardennes organisent une exposition de voitures anciennes au profit des enfants malades du service pédiatrique de l'hôpital Manchester. Rendez-vous donc le samedi 28 mars de 13h à 19h ainsi que le dimanche 29 mars de 10h à 18h au parc des expositions. Le prix de l'entrée est de 5 euros. 2 euros pour les 6-12 ans. Enfance, la ville au rythme des tout-petits. Déséquilibre, c'est le thème national choisi à l'occasion de la Semaine nationale de la petite enfance. Un temps fort, totalement gratuit, pour soutenir l'éveil des tout-petits et renforcer le lien enfant, parent et professionnel. Événement annuel de référence, la Semaine nationale de la petite enfance rassemble les acteurs de la petite enfance autour d'actions de sensibilisation, d'éveil et de partage à destination des enfants de 3 mois à 6 ans. Le dispositif des 1000 premiers jours de la ville de Charleville-Mézières, associé à ses nombreux partenaires, prennent part à l'événement. Ce temps fort permettra de mieux comprendre l'importance des 1000 premiers jours pour le développement de l'enfant, sa santé et celle de l'adulte qu'il deviendra. Une quarantaine de rendez-vous sera proposée autour de la thématique nationale des équilibres. Une conférence de la psychologue Fabienne Fabre sera proposée le mardi 17 mars à la MCL Maboem sur le thème « Repenser sa manière de communiquer avec son enfant à la lumière des neurosciences ». Précisons que cette conférence est ouverte à tous. Donnée par Fabienne Fabre, psychologue petite enfance, spécialisée en sciences cognitives au sein de l'organisme de formation d'Héloïse Junier, Fabienne Fabre interviendra donc ce mardi 17 mars à 18h à la MCL Maboem avec une conférence autour de la communication soutenant le développement de l'enfant. Elle abordera les réponses et les postures de l'adulte face aux différents comportements de l'enfant et de l'accompagnement de ses émotions. La conférence s'adresse à tous, parents, grands-parents, nounous, professionnels de la petite enfance, de santé ou encore étudiants. Outre cette conférence, autre temps fort de ce rendez-vous, le spectacle « Pliage en déséquilibre » de la compagnie En filigrane sera programmé au Centre social et culturel André Dautel les vendredis 20 et samedi 21 mars. Marionnettistes, circassiens et chanteuses lyriques se mêleront pour faire naître sur scène un univers de papier et de carton stimulant l'imagination des tout-petits. En amont, des représentations, des ateliers préparatoires avec les artistes seront proposés. Et parce que la culture se vit et s'apprend dès le plus jeune âge, le musée de l'Ardenne invitera les tout-petits à une visite découverte. L'Observatoire de la lecture publique et la Microfolie de la Ronde Couture proposeront un atelier « Trompette, des équilibres » mêlant initiation et éveil artistique sur fond de création d'illusions visuelles. À noter que cette intervention se fera en présence des artistes de la Compagnie du Rouge-Gorge qui proposera le 18 mars son spectacle « Trompette au Forum ». Les crèches municipales, le Centre social et culturel André Dautel, la PMI, Doula Nature, la médiathèque Voyelle, Parentage et compagnie raviront les familles par des expériences ludiques et inattendues. Le programme est disponible sur charleville-mézières.fr. Vie commerçante, c'est la braderie de printemps. L'arrivée du printemps s'accompagne du retour de la braderie qui animera le centre-ville les vendredis 3 et samedi 4 avril de 10h à 19h. Le vendredi, les commerçants sédentaires proposeront devant et à l'intérieur de leur boutique de nombreuses promotions. Le samedi, les camelots et commerçants non sédentaires installeront leurs étals le long du cours Briand et dans les rues piétonnes pour vous proposer des articles à petit prix. De quoi profiter du retour des beaux jours en faisant de bonnes affaires. Vie étudiante, printemps rime avec étudiant. Chaque année, le printemps des étudiants marque le retour des beaux jours à Charleville-Mézières. L'édition 2026 s'ouvrira mardi 24 mars avec la traditionnelle remise symbolique des clés de la ville avant de se conclure en couleur lors de la Gacolore dimanche 5 avril. L'événement est devenu un temps fort de la vie étudiante locale. Pendant plusieurs jours, les jeunes sont invités à se retrouver autour de temps qui leur sont consacrés. La programmation est pensée pour encourager la convivialité, la rencontre et l'esprit collectif avec le challenge étudiant qui rythmera l'ensemble de la manifestation. Point d'orgue du printemps des étudiants, la Gacolore viendra conclure cet événement dans une ambiance résolument festive. Avant le départ de la course fixée à 16h, la place Ducal accueillera les participants et le public pour un temps de rassemblement convivial et un échauffement dans la bonne humeur. Ouverte à tous et placée sous le signe du partage plutôt que de la performance, la Gacolore se veut avant tout un moment collectif. Des zones de bataille et de lancers de poudre colorée viendront ponctuer la course pour un final spectaculaire sur la place du Cal. Pour participer, différentes formules sont proposées à la vente le jour J. Le kit full color, qui inclut lunettes, battle et color time, est proposé au prix de 20 euros. Le kit color time, qui comprend lunettes et color time, pour 15 euros. Il est aussi possible de réserver à l'avance son kit full color sur la page dédiée à la Gacolore au tarif de 16 euros. Les plus rapides pourront même bénéficier de tarifs encore plus avantageux, soit 12 euros pour les 200 premiers inscrits. Tous solidaires avec les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur des Ardennes organisent leur collecte annuelle dans les magasins les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 mars. Vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice? L'association recherche des bénévoles pour mener à bien cette collecte. Faites-vous connaître en envoyant un courriel à l'adresse ad08.benevola@restoducoeur.org ou en téléphonant au 06 63 73 54 97. Les clients sont également invités à participer à cet élan de solidarité en offrant des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Chaque don, même modeste, contribuera à soutenir les familles ardennaises en difficulté. Théâtre, la jeunesse réinvente le monde sur scène. Les élus des conseils municipaux jeunes et ados et jeunes adultes finalisent une pièce de théâtre qui sera présentée gratuitement au mois d'avril. Coup de projecteur sur cet événement. L'aventure a débuté fin 2024 sous l'impulsion de la ville, la région Grand Est et encadrée par la compagnie L'Antéridie, dont Lucille Hannès est autrice et metteur en scène et Gérald Pinson, compositeur et musicien. Le projet, donner la parole aux jeunes sur les défis de notre siècle. Très vite, les jeunes comédiens ont choisi leur thème de prédilection, changement climatique, éco-anxiété, consumérisme, environnement, manipulation politique. De ces réflexions est née une pièce au titre évocateur « Tout n'est pas perdu », écrite par Lucille Hannès. Bien que la majorité des jeunes n'aient jamais pratiqué le théâtre, ils ont relevé le défi. Après un travail approfondi sur leurs personnages, ils ont réussi l'exploit de traiter ces sujets graves sur un ton comique et acerbe. Sur scène, ils incarnent des jeunes de leur âge, une expérience qui a permis à certains de véritablement s'émanciper. Théâtre, musique, chant, ombre chinoise se mêlent tout au long de la pièce. Deux représentations sont programmées les mercredis 1er et 8 avril à 14h30, respectivement au Forum et à la salle du Bedou. La réservation est possible en téléphonant au 03 10 23 01 95 ou sur charleville-mézières.fr à la rubrique Agenda. Les enfants du cinéma, un festival pour voyager et rêver. Du samedi 28 mars au vendredi 10 avril, la 34e édition du Festival des enfants du cinéma invite petits et grands à explorer le monde à travers le regard de l'enfance. Au programme, des films venus du monde entier, des rencontres avec des artistes et des animations pour toute la famille. L'association Les enfants du cinéma a concocté une programmation éclectique qui promet de beaux voyages. Les spectateurs suivront Olivia, Arco, Marie Anning, Didi ou Dounia dans le Grand Pays Blanc, partiront au fil de l'eau pour entendre le secret des mésanges, les rêveurs iront à la rencontre d'un cinéma paradiso, tandis que d'autres emprunteront l'étage secret pour découvrir une enfance allemande. Entre les fleurs du manguier et le garçon qui faisait danser les collines, le festival explore avec sensibilité l'enfance et l'adolescence au cinéma. La jeune actrice Babette Verbeek, révélée dans « Jeune mère des frères d'Ardennes », sera la marraine de cette 34e édition. D'autres rencontres et animations autour des films sont également actuellement en préparation. Le festival multiplie les rendez-vous, soirée latino, soirée italienne avec l'association Figli del Gonzaga, court-métrage avec la pellicule ensorcelée, documentaire. Les plus petits auront leur traditionnel ciné-goûter, tandis qu'une soirée interdite aux enfants est réservée aux plus courageux. Les jurys jeunes, écoliers et adultes complètent ce programme riche, avec notamment le jury jeune le premier week-end. Informations sur lesenfantsducinéma.fr. 6. Agenda. Jusqu'au samedi 14 mars, exposition Refuge par Thierry Jourdois au Labo Sauvage. Du mardi 3 au mardi 17 mars, Journée internationale des droits des femmes. Du vendredi 6 au dimanche 8 mars, de 10h à 19h, le salon Ma maison, mes projets au Parc des expositions. Vendredi 6 mars à 20h30, soirée The Love Beatles, se renseigner au 75forestavenue.com ou au 03 24 55 00 00. Samedi 7 mars à 9h, portes ouvertes à l'Alméa. Samedi 7 et dimanche 8 mars, de 9h à 18h, le salon Santé et sans gluten. Salle Nevers, un événement mis en place par l'association Vivre mieux sans gluten. Samedi 7 mars, de 10h à 15h, Braderie solidaire, au 11 rue Édouard Branly, impulsé par le Secours populaire français Ardennes. Pour plus d'informations, 03 24 57 44 83. Samedi 7 mars à 18h, concert comédie musicale mené par l'Orchestre d'harmonie de Charleville-Mézières sous la direction de Romain Davazoglou, OTCM. Samedi 7 mars à 21h30, soirée 90-2000, acte 8. Renseignez-vous au 75forestavenue.com ou au 03 24 55 00 00. Dimanche 8 mars à midi, repas dansant avec Jacques Lahaye à la salle arc-en-ciel. Plus d'informations au 03 24 37 14 17, organisé par Leteux Loisirs Club. Mercredi 11 mars à 14h30, hommage aux victimes du terrorisme, dans la cour d'honneur de la préfecture des Ardennes. Du vendredi 13 au dimanche 15 mars, la Tattoo Convention Cynic and Set Gecko, au Parc des Expositions, organisé par Art Event. Vendredi 13 mars, de 15h à 19h, le marché des producteurs de pays Place du Cal. Vendredi 13 mars à 20h, spectacle, questions pour un colon, au Forum, événement organisé par la Ligue contre le cancer et la compagnie La Belle Histoire. Spectacle suivi d'un temps d'échange. Plus d'informations au 03 24 59 33 31. Samedi 14 mars à 19h30, les 40 ans du Charleville Triathlon Ardennes. Renseignements au 75forestavenue.com ou au 03 24 55 00 00. Dimanche 15 mars, de 10h à 18h, le marché artisanal Boutique sous la Halle, au marché couvert, organisé par les Petites Bulles de Créateurs. Lundi 16 mars à 17h, atelier Qigong, au MCL Ma Bohème, renseignez-vous au 03 24 54 22 26 ou à alzheimer08@orange.fr. Mercredi 18 mars à 17h30, Café Deuil, au Seven Café, organisé par l'association Jalmalve. Vous pouvez vous renseigner au 03 24 54 26 26. Jeudi 19 mars à 10h30, commémoration, à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, au square du 91e RI. Vendredi 20 mars, de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Vendredi 20 mars à 20h30, concert, Nicole Slack Jones and the Soul Sisters, à l'église Saint-Rémy, organisé par la soirée du gospel. Samedi 21 mars à 10h, 11h et midi, visite de l'ESNAM, équipe Ebel à l'ESNAM, renseignements au 03 24 33 72 50 ou sur www.marionnette.com. Samedi 21 mars toujours à 14h, le trophée Mézières au parc des expositions, organisé par Studio Mézières. Samedi 21 mars de 14h à 17h, atelier Ombre et Objets, à l'ESNAM, atelier conduit par Elisa Peressoni et à la compagnie en liesse. Renseignements au 03 24 33 72 50 ou sur www.marionnette.com. Dimanche 22 mars à 14h, après-midi dansant Osmose. Renseignements au 75 Forest Avenue.com ou au 03 24 55 0000. Mardi 24 mars à 19h30, projection Senso de Luchino Visconti au cinéma Métropolis par Figli del Gonzaga, enfant de Gonzague. Jeudi 26 mars à 18h30, conférence dirigée avec audace. Renseignements au 75 Forest Avenue.com ou au 03 24 55 0000, organisé par le Centre des jeunes dirigeants. Du vendredi 27 mars au jeudi 2 avril, de 14h à 18h, exposition Cassandre, par le collectif d'art contemporain CAC, à la Galerie Lebon. Samedi 28 mars, de 9h à midi, Repère Café, chez Josette, organisé par Repère Café Les Nutons. Samedi 28 mars, de 10h à 17h, journée de l'endométriose, à la Salle Nevers. Samedi 28 et dimanche 29 mars, expo Voiture ancienne. Vendredi 3 et samedi 4 avril, la braderie de printemps. Samedi 4 avril à 19h, gala de boxe. Renseignements au 75 Forest Avenue.com ou au 03 24 55 0000. Événement organisé par le club sportif Nouzon-Villardenne. Samedi 4 avril de 14h à 17h, tous au compost, rencontres, troc et ateliers. Rue Marguerite Lebrun-Nivois. Renseignements au 06 44 39 23 89. Dimanche 5 avril à 16h, Gacolor, place du Cal. Forum. Seth, Carcarias et Goliathus, samedi 21 mars à 19h, présenté par Arden Metal Assault. Tarif 30€ ou en prévente 25€. Tournez-vous vers la billetterie de la plaque tournante et le Verboc. Wintergarten, hashtag 5. Samedi 28 mars à 20h, organisé par la ville avec l'association Karlstadt. Cette soirée-concert sera l'occasion de fêter les 10 ans de la plaque tournante avec une coprogrammation rock et post-punk avec les Français de Chest, les Néerlandais de Tramhaus et Kepla Selector, DJ du disquaire. Tarif 15€, en prévente 12€. Billetterie, la plaque tournante, le Verboc, chez Josette ou via withevent.com. Renseignements karlstadt@gmail.com. Soirée Paillettes et Facettes, volume 5. Samedi 4 avril à 20h30, organisée par La Ville avec l'association Sapristi. Le forum accueillera une programmation de choix. La soul incendiaire de The Butt Shakers, les nappes psychédéliques de Ghost Funk Orchestra et l'énergie de Traft. Tarif 20€, en prévente 15€, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie, la plaque tournante, le Verboc, MJC Calonne, Office du tourisme ou en ligne. Renseignements à asso.sapristi@gmail.com ou au 06 49 95 89 69 ou sur le Facebook et Instagram de asso.sapristi. 100 premiers jours. À la médiathèque Porte-Neuve, 8 places de la préfecture. Lire avec bébé, le mercredi 4 mars à 10h, de la naissance à 3 ans. Éveil musical, samedi 7 mars à 10h30, de 3 mois à 3 ans. Art-thérapie, mercredi 25 mars à 10h, pour les futurs et jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Enfin, motricité libre, le vendredi 27 mars à 9h15, de la naissance à la marche. Manchester Lecture, au 24 rue Jules Rollin. Chant pré- et post-natal. Le mardi 10 mars à 9h, pour les futurs et jeunes parents, avec ou sans bébé, de 0 à 3 ans. Chanter, bouger, danser. Le mardi 10 mars à 10h, de 15 mois à 3 ans. Bébé gym, le vendredi 13 mars à 10h, pour les 15 mois à 3 ans. Enfin, lire avec bébé, mercredi 12 mars à 9h, de la naissance à 3 ans. Houillères Lecture, au 88 rue Albert Poulain. Snooze Hélène, mercredi 4 mars à 15h pour les futurs et jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Bébé Jim, le vendredi 6 mars à 10h, de 15 mois à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 11 mars à 9h30, de la naissance à 3 ans. Portage dansé, vendredi 13 mars à 9h30, de la naissance à 18 mois. Baby yoga, samedi 14 mars à 9h30, de 3 à 18 mois. Baby yoga, samedi 14 mars à 10h30 pour les 3 à 18 mois. Voyage sonore, lundi 23 mars à 10h, de la naissance à 3 ans. Peinture suédoise, vendredi 27 mars à 9h30, pour les 18 mois à 3 ans. Snooze Hélène, lundi 30 mars à 10h, pour les futurs et jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. L'inscription est obligatoire pour toutes les activités. Contactez le 03 24 32 44 96 ou le 03 24 32 41 71 ou adressez un mail à 1000pj@mairie-charleville-mézières.fr. Visite guidée. Visite du beffroi de la mairie, vendredi 3 avril à 14h30. Visite du cœur de ville, samedi 4 et lundi 6 avril à 14h30. Réservation à l'office du tourisme au 03 24 55 69 90 ou via un mail à contact@charleville-sedan-tourisme.fr. Au TCM, Pontex et Île. Mercredi 11 mars, 20h, musique. Avec en première partie les élèves du lycée Bazin. Rendez-vous pour une soirée musicale francophone portée par deux artistes, révélation du dernier festival international de chansons de Granby. Pontex, originaire des prairies canadiennes, dévoile des grooves envoûtants mêlant habilement la psyché pop électronique à la mélancolie du R&B et de l'indie rock. Sur scène, le duo Françaisquois délivre une expérience électrisante quasi hypnotique. Il se définit entre la chanson, le rap nouvelle vague, la pop et l'électro coloré. Avec des mots pour dessiner des mélodies comme des fulgurances, il se place dans la lignée d'Orelsan, Gaël Faye ou Grand Corps Malade. À l'entracte et à l'issue du concert, bar et petite restauration assurée par Plume et Bulle. Bat Fado, mardi 17 mars à 20h, danse musique. Avec Jonas Selander du Portugal, dans le cadre du Printemps des Poètes. Chorégraphe et performeur portugais parmi les plus inventifs de leur génération, Jonas Selander vous transporte à Lisbonne au XIXe siècle, à une époque où le fado avait sa propre danse. Retour aux sources pour cette musique empreinte de mélancolie qui révèle ici une danse viscérale aussi explosive qu'un feu d'artifice. À l'issue de la représentation, présence de DJ Set. Spectacle à partir de 6 ans. Rimbaud, Cavalcade. Jeudi 19 mars à 20h, théâtre, par la compagnie Dang Dang, dans le cadre du Printemps des Poètes. Une cavale poétique, drôle et déjantée sur les traces d'Arthur Rimbaud. Graphiste pour une marque de yaourt, Romuald claque la porte d'une réunion en hurlant « Je vais acheter un cheval et m'en aller ». Il apprend que Rimbaud a écrit cette phrase en 1881. Romuald lâche tout et part sur les traces du poète. Cavalcade, à pied, à cheval, en train, en bateau, la vie du poète comme une spirale insensée de déplacements incessants où l'ailleurs est toujours le seul endroit désirable. En amont de la représentation, impromptu du collège Scamaroni. Spectacle des 10 ans. Subjectif Lune. Jeudi 26 mars à 20h. Théâtre objet vidéo. Par la compagnie Les Maladroits. Dans le cadre des Journées mondiales de la marionnette. Une reconstitution du premier pas sur la Lune pour déjouer les théories complotistes. Quatre documentaristes rejouent à l'aide de bric-à-brac, d'objets en tout genre, d'images d'archives et d'interviews, la mission Apollo 11. Tout sera mis en œuvre par la brillante compagnie Les Maladroits pour tromper notre esprit. Spectacle des 12 ans. Autour du spectacle aura lieu le mercredi 25 mars à 19h30 au cinéma Métropolis, une projection du film To the Moon. Et le jeudi 26 mars à 19h15 au foyer du TCM, en partenariat avec le Pôle international de la marionnette, Barionnette, un apéritif marionnettique. Une nuit de grand opéra, vendredi 3 avril à 20h, musique, avec en première partie un chant choral. Deux immenses artistes sont rassemblés pour une soirée inédite. Nommée Révélation Lyrite aux Victoires de la Musique 2023, Marine Chagnon est reconnue comme un talent incontesté. Elle partage la scène avec Sébastien Guèze, ténor internationalement remarqué pour ses interprétations des plus beaux rôles du répertoire romantique. Accompagnée par Kiachou Lee au piano, leurs voix s'unissent pour un programme d'exception à la découverte des œuvres emblématiques du répertoire lyrique. Plus d'informations sur tcm.charleville-mézières.fr ou au 03 24 32 44 50. 7. Sport. Basket, Les Flammes, un spectacle permanent à la Guinguette Arena. Avec ces flammes-là, impossible de s'ennuyer. Match après match, le public carolo assiste à un basket spectaculaire, intense et offensif qui fait vibrer la Guinguette Arena. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Meilleure attaque du championnat, meilleure évaluation collective, équipe la plus à droite à 3 points et sur la ligne des lancers francs, sans oublier un nombre record d'interceptions par rencontre. Autant de statistiques qui traduisent un jeu rythmé, généreux et résolument tourné vers le spectacle. Portés par ces performances, les Flammes confirment leur statut sur la scène nationale et européenne. Sous l'impulsion de leur capitaine, Noémie Brochamp, les Ardennaises se sont installées dans le top 6 du championnat, tout en rivalisant avec les plus grandes formations européennes en Euroleague. Une dynamique collective forte, symbole d'un club structuré, ambitieux et fidèle à son identité de jeu. Objectif clairement affiché en début de saison, la qualification pour le top 8 et l'accès aux play-offs est plus que jamais à portée de main. Une nouvelle phase de compétition où les Flammes comptent bien jouer les troubles faites sans complexe et défendre avec audace les couleurs de Charleville-Mézières. Dans ces rendez-vous décisifs, le soutien du public sera une arme supplémentaire. Plus que jamais, la fin de saison s'annonce palpitante. Les Flammes ont besoin de leur sixième joueuse, vous. Venez vibrer, encourager et pousser l'équipe dans les moments clés. À la Guinguette Arena, le spectacle est garanti et l'histoire continue de s'écrire ensemble. Toute l'actualité des Flammes est à suivre sur lesflammes.com. Trail Natura Carolo sur les traces du centaure. Dimanche 15 mars, les participants à cette course nature organisée par la section athlétisme de la SPTT Omnisport auront le choix entre 5 parcours, l'appel 9 km, le galop 15 km, le souffle 27 km, le marathon 42,195 km et une marche de 9 km. Partez sur les traces du centaure dans les bois de la Havetière et recevez un cadeau surprise. Inscription sur ledossard.com ou sur place selon le nombre de dossards restants. Pensez également à consulter la page Facebook Natura Carolo. La Carolympiade 2026 se déroulera du lundi 30 mars au vendredi 3 avril au COSEC des Mésanges et au stade Salengro. Projet né de l'élan suscité par les JO de Paris 2024, cette initiative vise à mobiliser les élèves de CM1 et CM2 de la Ronde Couture et de Manchester autour des valeurs universelles du sport, de l'inclusion et du vivre ensemble. Porté par le service des sports, en partenariat avec l'éducation nationale et les acteurs associatifs locaux, cette semaine sportive concernera 456 élèves au total. Cyclisme, 51e édition du Circuit des Ardennes. L'édition 2026 du Circuit des Ardennes prendra son départ le mercredi 8 avril pour arriver dans la cité de Gonzague le dimanche 12 avril. La notoriété internationale de ce rendez-vous est toujours plus renforcée avec plus de 110 demandes de participation venues du monde entier. Au final, ce sont 26 équipes de 14 nationalités différentes qui ont été sélectionnées, dont 7 françaises, parmi lesquelles le VCU Schweinheim, l'équipe de l'Ardennais Timothée Gabriel. Chaque étape nous promet son lot de surprises et fera encore émerger de futurs grands que l'on retrouvera pour la plupart sur la grande boucle par la suite. Voici quelles sont les villes étapes du circuit des Ardennes 2026. Mercredi 8 avril, étape 1, Villers-Semeuse-Saint-Laurent, 129 km, 1702 mètres de dénivelé. Jeudi 9 avril, étape 2, Rethel-Rethel, 176 km, dénivelé 1682 mètres. Vendredi 10 avril, étape 3, lac de Béron, lac des Vieilles Forges, 159 km avec 2529 mètres de dénivelé. Samedi 11 avril, étape 4, Fromelennes-Arny, 198 km avec 3751 mètres de dénivelé. Dimanche 12 avril, étape 5, Centre-Leclerc-Sedan-Charleville-Mézières, 149 km avec 1900 mètres de dénivelé. L'agenda sportif. Football, samedi 7 mars, Petit Bois 18h, OCPAM contre Neuilly N3, Varennes 16h, OCPAM contre Épernay U18 R1, Salengro 20h, Entente contre Liard-Signy en D1. Dimanche 8 mars, Salengro à 15h, Entente B contre Nouvion B. Samedi 14 mars, Salengro 20h, Entente contre Bonny D1. Dimanche 15 mars, Poterie, Prix, 14h30, OCPAM B contre Vémerange R2, Salengro 15h, Entente B contre Floin. Samedi 21 mars, Varennes 15h, OCPAM contre La Neuvillette U18 R1. Dimanche 22 mars, Emmler 14h30, EMCCM contre Vivier D1. Samedi 28 mars, Petit Bois 18h, OCPAM contre Amiens B, N3. Dimanche 29 mars, à la Varenne, à 13h, EMCCM contre l'Olympique Rémoise ID Senior F. Emmler à 14h30, EMCCM contre ASTRM B D1. Salengro à 15h, Charleville-Franco-Turc contre Flize D2. Rugby, dimanche 8 mars, terrain de Vouziers dès 13h30, Ardennes Rugby contre Saint-Avold, équipe 1 et 2. Baseball, dimanche 8 mars à la Varenne, 9h, Razorbacks contre Entente Chalon-Reims et Dudelange Luxe. Tennis de table, samedi 7 mars, Rennes-Bestel à 16h, National 3, Messieurs Poule 5, Kmat 2, Saint-Vite 1, National 3, Messieurs Poule 6, Kmat 3, Lille Métropole 3. Samedi 21 mars, Rennes-Bestel à 16h, National 3, Messieurs Poule 5, Kmat 2, Haubourdin 1, Pré-National, Kmat 4, Roche-Besançon 3. Basket féminin, samedi 7 mars, Bayard 16h FCBA contre Vitry-les-Reims, U15F Grand Est, Guinguette Arena 20h45, FCBA contre Basketland, Wonder League. Dimanche 15 mars, Bayard 13h FCBA contre Schirheim, U15F Grand Est, Emmler, 13h, Étoile contre Hayange, U15F Grand Est. Samedi 22 mars, Bayard, 15h30, FCBA contre Orly, U18 France Élite. Samedi 28 mars, Bayard, 17h15, FCBA contre Le Chesnay Versailles, N2F. Basket masculin, dimanche 8 mars, Dubois-Crancé, 13h, Étoile contre Sainte-Marie, U15 Grand Est. Samedi 14 mars, Emmler 14h30, Étoile contre Dussenheim, U18 Grand Est. Dubois-Crancé 20h30, Étoile contre Longwy, pré-national. Handball, samedi 7 mars, Gymnase Campus Subardenne, 18h, CMHB contre Bonny, ID Senior. Samedi 21 mars, Emmler 16h, CMHB contre Tinqueux, ID moins de 15 ans. Samedi 28 mars, Gymnase Campus Subardenne, 18h30, ID Senior. Sport de combat, samedi 7 mars à la salle Bayard, 19h, boxe, Valverde contre Martinez, 8 matchs amateurs. Et le samedi 4 avril, Bayard 17h, MMA, Arène des Sacres, 10e édition. Course à pied, samedi 14 mars, Bayard, rendez-vous à 14h pour les foulées de printemps. 8. Histoire. Femme à l'honneur, par Héloïse Gorget et Claude Grimmer-Fontange pour la Société d'Histoire des Ardennes. Claude Demoy, fondatrice du couvent du Saint-Sépulcre. Situé sur l'actuelle place Jacques-Félix, le couvent est né de la volonté de Charles de Gonzague. Le 26 septembre 1622, la prieure du monastère de Visée et la prieure du couvent de Charleville, Marie de Diffus, Marie de Jésus, signent l'acte par lequel le prince donne un terrain et 4000 livres pour construire un couvent qui instruira la jeunesse et viendra en aide aux femmes de l'hôpital. 6 religieuses liégeoises arrivent à Charleville. Elles suivent les travaux, organisent la communauté. Mais aucune de ces religieuses n'est considérée comme fondatrice, titre qui met en valeur celle qui contribue, par ses deniers, à la construction et à la vie du couvent. Claude Demoy, née vers l'an 1572, est la fille unique et héritière de Charles, marquis de Moy, et de Catherine de Suzanne, comtesse de Cerny. Par son père, elle descend d'une illustre famille d'officiers en Picardie et en Normandie. Les Suzanne sont d'origine plus récente. Le grand-père, proche d'Henri III, a lutté contre les hérétiques en Champagne et fait construire, vers 1550, le château de Tugny-Truny. Dès la naissance de Claude, on espère pour elle une belle alliance. À 11 ans, elle se marie avec Georges de Joyeuse, fils du maréchal de France Guillaume de Joyeuse. Il décède 15 mois plus tard. À 18 ans, et malgré un mariage non consommé, elle est déclarée veuve. En 1585, elle épouse en secondes noces un prince de la maison de Lorraine, Henri Ier, comte de Chaligny, dont elle a 4 enfants. Il s'agit du 4e fils de Nicolas de Lorraine, duc de Mercœur et comte de Vendémont, et de Catherine de Lorraine-Aumale, sa 3e épouse. Il est le frère de la reine de France, Louise de Lorraine-Vendémont, mariée à Henri III. Cette alliance fait de Claude de Moy la belle-sœur du couple royal. Veuve une seconde fois à 28 ans, elle jouit d'une très grande fortune. Elle soutient financièrement des maisons religieuses fondées par sa famille, comme les filles de Sainte-Claire de Rouen et les sœurs de charité de Saint-Quentin. Mais ses largesses vont aussi à des couvents auxquels sa famille n'est pas spécialement attachée. Les Minimes de Rethel, les Capucins de Reims et de Charleville. Sa proximité avec le couple Charles de Gonzague et Catherine de Lorraine peut expliquer qu'elle veuille s'investir dans la vie religieuse de la nouvelle ville. L'influence de son fils Charles, évêque de Verdun puis jésuite, est déterminante. Le désir de Claude de Moy est de voir cet ordre du Saint-Sépulcre rétabli et agrandi alors qu'il était presque anéanti, à l'exception de quelques petites maisons et monastères. Elle devient ainsi fondatrice d'un couvent à Charleville, mais aussi restauratrice d'un ordre féminin disparu en France. L'acte mentionne sa contribution financière. Elle aide à la construction des bâtiments pour 33 500 livres. Par les rentes, elle constitue des revenus réguliers et assure ainsi la survie de l'institution. Si toutes les fondatrices sont riches et appartiennent à la haute noblesse, toutes ne sont pas religieuses. Or, Claude de Moy prononce ses vœux le 24 mars 1626. Elle quitte ses titres de comtesse et de marquise pour devenir sœur Marie de Saint-François, religieuse chanoinesse de l'Institut du Saint-Sépulcre et fondatrice du monastère de cet ordre à Charleville. Un choix surprenant aux yeux de ses contemporains. Elle a 53 ans et elle répond à ses amis que Dieu l'appelle en religion et que la crainte de la mort la pousse à cette détermination suprême. En 1623, elle passe un contrat avec le maçon Claude Briot pour faire construire un bâtiment distinct qui sera joint à celui des religieuses. Elle dispose d'appartements meublés selon ses désirs et apporte vaisselle d'argent et tapisserie. Elle a des domestiques pour la servir et elle ne connaît pas la clôture. Elle reçoit des visites, peut voyager tant pour sa santé que pour ses dévotions. Elle est, en fait, dispensée d'une discipline imposée aux autres religieuses. Même si elle fait de nombreux dons lors de son entrée, elle possède encore des biens dont elle confie la gestion à René Danois, dame d'Aubilly, qui lui rend des comptes régulièrement. Sa présence à Charleville suscite des vocations chez les filles de la noblesse de la région. Comme toutes les fondatrices, Claude de Moy est soucieuse de son salut et elle œuvre à entretenir la perpétuation de son nom. Elle fonde des messes à perpétuité, choisissant elle-même les mots pour évoquer sa mémoire. Elle fait rédiger un sépulcre, récit de sa vie destiné à être diffusé. Elle y est présentée comme l'abeille de race royale. Enfin, Claude Demoy organise sa mort dans les moindres détails. À son décès, le 3 novembre 1627, elle est enterrée dans un espace privilégié à l'intérieur du couvent et distinguée par une pierre tombale. Sigy très illustre et très puissante princesse Madame Claude Demoy, comtesse de Chaligny, veuve de Monseigneur le sérénissime prince Henri de Lorraine, comte de Chaligny, fondatrice et religieuse de ce monastère, nommée en religion Sœur Marie de Saint-François, dont la vie fut un exemple de piété, d'une humilité profonde, une pauvreté exacte et une parfaite obéissance, laissant à cette maison, dont elle fut l'honneur et la gloire, des marques éclatantes de douceur et de charité et de mépris du monde. Elle décéda le 3e jour de novembre 1627, âgée de 55 ans, et de sa profession religieuse 1 an et 9 mois. Penser que son souvenir perdure au-delà des siècles serait erroné. La Révolution française, les modifications de bâtiments accélèrent la perte de la mémoire collective. En 1866, lors de travaux au collège, on découvre son caveau. On pouvait apercevoir le crâne, les côtes et d'autres ossements mêlés à une poussière brune. Le cercueil fut déposé dans la chapelle du séminaire, puis Monsieur le maire nous autorisa à faire emporter en secret dans notre monastère actuel les restes précieux de notre vénérable fondatrice. Et le mercredi 19 septembre, nous l'avons transportée dans l'angle droit du fond de notre jardin, au bas de la statue de Saint-Joseph, où un caveau avait été préparé pour la recevoir, écrit Sœur Sainte Constance. Le temps de la fondation et de l'installation du couvent met en exergue deux femmes, Marie de Diffus, première prieure, et Claude Demoy, fondatrice. Des femmes dont la puissance est liée à leur piété et surtout à leurs compétences administratives et à leur influence dans la société carolopolitaine. 9. Expression politique. Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, des moyens accrus pour nos policiers municipaux. Le 10 février dernier, le Sénat a adopté un texte visant à élargir les moyens d'action des polices municipales. Ce texte va désormais être examiné par l'Assemblée nationale avant une éventuelle adoption définitive, ce qui constituerait à mon sens une excellente nouvelle. Un rapide état des lieux, tout d'abord, selon les chiffres les plus récents fournis par le ministère de l'Intérieur, plus de 3800 communes possèdent une police municipale, ces dernières représentant au total près de 28 000 agents. Et le fait que ces données aient connu une hausse de 45% entre 2012 et 2023 n'a rien à voir avec un effet de mode. De nombreux maires, dont je fais partie, ont en effet constaté avec amertume au fil des années le manque d'efficacité de la police nationale dans la lutte contre la délinquance urbaine. Manque d'efficacité dû essentiellement à des effectifs de terrain beaucoup trop réduits. Problème lorsqu'un habitant est victime d'une agression ou d'un cambriolage, lorsqu'il contacte l'aplomb des dealers dans son quartier, c'est vers son maire qu'il se tourne pour se plaindre. J'ai eu dernièrement l'occasion d'échanger à ce propos avec d'autres élus ardennais lors d'une rencontre organisée par Else Joseph et à laquelle participait Jacqueline Eustache Brignot, elle aussi sénatrice et rapporteuse de ce projet de loi. Ils partagent tous ce sentiment. Nous avons donc été nombreux ces dernières années à créer ou renforcer notre police municipale. Pour rappel, dans notre ville, ces effectifs ont été multipliés par 2 depuis 2014. Mais pour que nos policiers puissent faire preuve d'une véritable efficacité sur le terrain, encore faudrait-il que la loi leur permette d'agir. Or, ce n'est actuellement pas le cas. La police municipale n'a aujourd'hui pas le droit de verbaliser un délinquant pris en flagrant délit, ni de fouiller son sac à dos ou son véhicule, encore moins de vérifier son identité. Or, s'il est définitivement adopté, ce texte de loi, déjà validé par nos sénateurs, mettra un terme à ces absurdités et permettra enfin à nos policiers de s'investir pleinement dans la lutte contre l'insécurité et le narcotrafic. Et pour discuter régulièrement avec ces femmes et hommes de terrain, je peux vous assurer que leur impatience est au moins égale à la mienne. Bilan par Anne Papier pour la liste Une ville pour tous. À quelques semaines des élections municipales, lorsque ces lignes sont écrites, il est nécessaire de répondre au bilan dressé par Monsieur le maire dans les colonnes de l'Ardennais fin janvier. Ce mandat n'a pas été simple à gérer car marqué par de nombreuses crises plus larges, pandémie, tensions économiques, inflation, contraintes budgétaires accrues pour les collectivités locales. Il faut reconnaître que la politique adoptée a contribué à maintenir l'attractivité de notre ville et à consolider certains projets structurants. Des équipements communautaires ont été modernisés et l'animation de la vie locale a perduré malgré les contraintes financières. Ces efforts méritent d'être soulignés sans ambiguïté. Toutefois, comme l'a exprimé M. Ravignon dans son bilan public, il faudra encore 10 ans pour que certaines transformations profondes soient réalisées et ce retard correspond à une situation certes complexe, mais aussi à une ambition insuffisante dans certains domaines et à des priorités discutables dans les choix opérés. Un des domaines où cela se ressent particulièrement est celui de l'équité sociale. Les inégalités territoriales à Charleville-Mézières demeurent fortes. L'accès aux services publics de proximité reste insuffisant dans plusieurs secteurs populaires. Les habitants expriment régulièrement des difficultés concernant la mobilité, l'accès à la santé. Ils disent aussi le besoin d'une offre de loisirs et de culture ouverte à tous. Sur le plan environnemental, des avancées ont été engagées, mais sont loin de ce qui serait nécessaire pour faire face à l'urgence climatique. La municipalité a favorisé certaines constructions exemplaires, comme la crèche à haute performance énergétique, mais il manque une politique globale de transition énergétique, de mobilité durable, de préservation de la biodiversité urbaine ou de soutien aux circuits courts agricoles. L'opposition écologiste et sociale regrette que ces enjeux ne soient pas pleinement intégrés comme priorité structurante de l'action municipale. La question de la sécurité est aussi une problématique centrale dont l'approche doit être complétée. Les dispositifs de surveillance et de sanctions ont été renforcés, mais plusieurs quartiers sont toujours en grande difficulté, régulièrement en proie aux incivilités et violences, et cela montre que la seule réponse sécuritaire ne saurait se substituer à une approche globale de cohésion sociale et de prévention. Les politiques publiques doivent conjuguer fermeté, prévention, accompagnement social et dialogue avec les habitants. Enfin, sur la démocratie locale, la participation citoyenne reste encore trop ponctuelle et consultative. L'engagement des habitants et habitantes dans des décisions qui organisent leur cadre de vie doit être accru, non seulement à travers des consultations, mais par de véritables co-constructions de projets. Ce deuxième mandat est marqué par des réalisations notables, mais il révèle aussi qu'il y a encore du pain sur la planche pour répondre pleinement aux défis sociaux, économiques et écologiques actuels. Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne, le combat continue. Élu en 2020 sur une liste citoyenne au programme élaboré de manière participative, j'ai pu durant 6 ans, en siégeant au conseil municipal, à la fois résister et construire. Vice-président de la commission des affaires générales, du budget de la sécurité, même si cette fonction ne me donnait que très peu de pouvoir, j'ai pu permettre quelques avancées. Notre liste prenait une ville à hauteur d'enfant. Il s'agissait d'abaisser la vision des élus à hauteur d'enfant pour repenser les priorités et les arbitrages. Nous partions du principe que si une ville parvenait à répondre aux besoins des plus jeunes, en particulier celui de se déplacer en toute sécurité, alors par ricochet, elle répondrait mieux aussi aux attentes des personnes âgées, des personnes handicapées ou des habitants précaires, tout aussi vulnérables, en particulier face à l'omniprésence automobile. Concevoir la ville à partir des besoins, des rythmes et du regard des enfants constituerait ainsi un levier puissant de transformation démocratique et sociale. J'ai aussi voté en faveur du schéma des déplacements proposé par le maire, moyennant l'instauration de rues scolaires, des rues où la circulation motorisée est interrompue aux heures d'entrée et de sortie des classes. Ces 5 rues, dont le maire ne voulait pas à l'origine, sont aujourd'hui un sujet de fierté pour nous tous. Malheureusement, depuis 2 bonnes années, on observe très peu de progrès en matière de déplacement actif, au motif qu'on ne pourrait faire d'autres travaux que de chauffage urbain. Pire, s'ajoute à cela le renoncement du maire à piétoniser effectivement la place du Cal sur la pression, dit-on, d'un seul commerçant. Un autre sujet est crucial au croisement de l'écologie et de la justice sociale, celle des tarifs des services publics. Sur les poubelles et l'eau, le maire, aussi président de l'agglo, avait promis l'instauration d'une tarification incitative et sociale. Il n'en a rien été. À propos de la tarification incitative des déchets, toujours promise, chaque fois repoussée, elle aurait permis à chacun de payer en fonction du poids de ses déchets, car aujourd'hui, une veuve sans beaucoup de ressources paie autant que ses voisins plus nombreux et plus aisés, et la baisse des tonnages des déchets enfouis, revendiquée par l'agglomération, tient plutôt aux restrictions d'accès à nos déchetteries. On retrouve aussi une partie des déchets en dépôt sauvage au bord de nos chemins. Pour l'eau du robinet, tenir compte du revenu des familles, de leur composition et de la consommation de chacun pour en moduler le prix aurait introduit à la fois équité et respect de l'environnement. Pendant 12 ans, j'ai milité pour que soit instaurée cette tarification, émettant des propositions concrètes à de nombreuses reprises. À chaque fois, la réforme a été repoussée. À la place, le président d'Ardennes Métropole s'enorgueillit de proposer quelques chèques solidarité eau à des citoyens qu'il choisit, préférant ainsi l'aumône à la justice sociale et environnementale. Pour les cantines de la ville, j'ai connu un peu plus de succès. Les moins aisés des Carolomacériens payaient au début du mandat le repas de leurs enfants à la cantine, plus de 8 fois plus cher que leurs homologues rémois. Oui, 8 fois plus cher. Sur mon insistance, le maire a accepté de créer de nouvelles tranches selon les revenus des parents, même si c'est un progrès pour quelques familles, il faudrait, en ce domaine comme dans d'autres, aller beaucoup plus loin.